Donc, premièrement, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, qui nous a permis de nous réunir tous ensemble autour de ce noble sujet qu'est l'apprentissage du savoir et la connaissance de l'importance de l'apprentissage de la langue arabe. Et donc, le cher Ahmed Badouhoun, qui est connu auprès des gens de science du Yémen, nous a fait l'honneur d'une exhortation éloquente et très, très, très bénéfique. Nous allons essayer d'en mentionner les éléments principaux, bi-idhnillah. Fa'akoul, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc le noble cheikh Abu al-Harith Ahmed ibn Suleyman Badoukhoun حفظه الله تعالى dans son allocution qu'il nous a fait l'honneur de nous octroyer durant ces quelques minutes qui sont passées, que nous avons passées avec le cheikh, après avoir mentionné Allah subhanahu wa ta'ala, l'avoir loué et invoqué en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a rappelé le sujet de cette assise, de cette allocution, à savoir le mérite du savoir, le mérite du savoir, le mérite de son acquisition, ainsi que le besoin qui est ressenti vis-à-vis de l'apprentissage de la langue arabe. Et ce cours est dispensé sur la chaîne du Merkez de l'imam Al-Shafi'i, Naam, et il invoqua en faveur des responsables et de ceux qui gèrent ce Merkez, qu'Allah les préserve tous et les rétribue en bien. Et il a mentionné que talab al-ilm, la quête du savoir, est une adoration en soi. C'est-à-dire que le fait d'apprendre le savoir, la science de l'islam, est une adoration en soi. Et c'est une des plus nobles et des plus grandes adorations que le serviteur peut accomplir. Et c'est une adoration qu'Allah a ordonnée. C'est-à-dire que c'est une obligation. C'est une adoration vis-à-vis de laquelle Allah a fait une incitation vis-à-vis de son accomplissement. Et il y a des récompenses concernant l'acquisition du savoir, mais également concernant la transmission du savoir. Et les savants experts, c'est-à-dire les muhaqqiqoun, les savants dotés d'expertise qui approfondissent les connaissances dans les sujets intrinsèques et obtus, ont expliqué que l'étude du ilm est fait partie des meilleures adorations après les actes obligatoires. C'est-à-dire que la science dont l'acquisition est surrogatoire est la meilleure adoration que l'on peut accomplir après l'acquittement et l'accomplissement des actes d'adoration qui sont obligatoires. Et il a mentionné un athar de l'imam Ibn Shihab Az-Zuhri, rahimahullah, et de Abdullah ibn Mubarak, rahimahumullah, dans le propos qu'ils ont tenu concernant ce sujet, par lequel ils ont exprimé que Allah n'a pas été adoré par une meilleure chose que la compréhension dans la religion, c'est-à-dire l'acquisition du savoir et le fait d'avoir du fiqh dans la religion. Et le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui étudie le savoir, doit espérer dans son cœur la récompense. C'est-à-dire qu'il doit, lorsqu'il étudie la croyance, le hadith, ou n'importe quelle science parmi les différentes sciences de l'islam, il doit espérer dans son cœur, espérer recevoir de la part d'Allah une récompense, quelles qu'en soient les sciences étudiées. Et cela va même pour les sciences de la langue arabe, c'est-à-dire que quiconque viendrait à apprendre une des sciences parmi les différentes sciences de la linguistique de la langue arabe dans le but de comprendre les sciences de la charia est alors rétribué pour cela, de par son intention. Et il mentionne un hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par le sahih de l'imam Muslim, dans lequel il a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque emprunte un chemin par lequel il cherche à acquérir un savoir, alors Allah lui facilite de par ce chemin un chemin vers le paradis. » Donc parmi les fada'il du ilm, c'est le fait que le ilm est une voie parmi les voies du paradis. Et c'est-à-dire que donc quiconque emprunte un chemin dans la science, c'est-à-dire une voie dans le savoir, une des voies parmi les multiples voies du savoir, alors Allah lui facilite une voie vers le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifié une voie particulière parmi les voies de la science, mais a utilisé un propos qui est général, c'est-à-dire un propos sous la forme indéfinie. C'est-à-dire n'importe quelle voie parmi les différentes voies par lesquelles on espère acquérir le savoir est une voie par laquelle on bénéficie du fait d'être sur une voie du paradis. Et donc, de nos jours, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons à notre disposition de nombreux procédés, de nombreuses voies qui se sont offertes à nous et qui nous sont mises à notre disposition, nous permettant d'apprendre, jusqu'à même apprendre à distance avec les gens de science. On peut apprendre avec les gens de science de façon directe dans les assises en présentiel, mais on peut apprendre également à travers les livres ou à travers, dans un temps plus ancien, quelque peu ancien, les cassettes audio. Naam, et de nos jours, nous avons accès à l'Internet, nous avons les appels directs, les appels téléphoniques ou les appels via les logiciels et les applications qui nous permettent d'être en contact avec les ulema. Et bien entendu, ces voies-là, c'est-à-dire les appels téléphoniques directs avec les gens de science, est bien meilleur que de prendre la science dans les livres. Et donc, pour quiconque acquiert le savoir en ayant une bonne intention dans cette œuvre-là, alors qu'il espère la récompense. Et parmi les fada'il du ilm, le fait que la science, le savoir islamique permet d'obtenir la crainte d'Allah et sa vénération. Comme il a mentionné le verset de Sourate Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, certes ceux qui craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Donc les savants, yani de par leur science, ils ont une peur qui est accompagnée de science, c'est-à-dire une crainte. Et il mentionne un autre verset du Coran al-Karim, dans lequel il avait dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir, et Allah est omniscient et sage. Et il avait mentionné une faïda qui est muhimma jiddan, du fait que l'imam Qatada, rahimahullah, l'élève de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhum, ajma'in, qui était l'élève de Abdullah ibn Abbas, avait mentionné qu'il y avait unanimité entre les sahaba concernant le fait que toute personne qui viendrait à désobéir à Allah est considérée comme un ignorant, et cela même s'il a beaucoup de connaissances. Dû étant donné du fait qu'il est soit ignorant du jugement, c'est-à-dire du jugement en lui-même de son acte, donc il avait une ambiguïté, ou alors il connaissait son jugement, mais il l'a accompli de par la faiblesse de sa connaissance et de sa perception concernant les conséquences qu'il y a dans ce bas monde et dans l'au-delà du fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, ceci ne veut pas dire que toute personne qui a du savoir est parfaite et donc préservée de l'erreur et du péché. Non, les gens de science peuvent être amenés à tomber dans le péché, mais de par leur connaissance et leur proximité qu'ils ont avec Allah et leur connaissance qu'ils ont d'Allah, ce sont les plus à même de se repentir, de se réformer et de revenir vers Allah par la repentance et la réforme individuelle. Et les seuls êtres humains qui sont préservés, ce sont les prophètes. En dehors d'eux, les êtres humains sont des êtres humains normaux à qui il arrive de tomber dans le péché, mais le meilleur d'entre eux est celui qui va se repentir. Et l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah avait dit que la base du savoir, c'était la crainte d'Allah. Et donc le fait qu'une personne étudie beaucoup, passe beaucoup de temps dans la science, ceci est une multitude de rappels pour lui, et ceci est bénéfique dans sa religion, d'entendre le rappel qui se répète et qui se répète au fur et à mesure que ses journées passent. Et il a mentionné un des mérites du savoir, à savoir que le savoir était une cause d'élévation. En effet, il a mentionné le verset du Coran dans le sens approximatif en français, le suivant, « Allah élèvera ceux qui parmi vous ont cru, et ceux qui parmi vous ont reçu le savoir, il les élèvera en degré. » Donc il expliqua parmi les fawa'id que l'on tire de ce verset, le fait que les croyants sont élevés de par leur foi, de par leur statut de croyant comme étant des gens qui ont eu la foi, ils sont élevés par Allah, ils ont un degré bien plus haut que celui du kafir. Mais les gens de science parmi ceux qui ont la foi ont une élévation supplémentaire, c'est une élévation supérieure. Et le terme darajat a été mentionné de manière non spécifique, dans le sens où ce qui doit être compris, c'est que les gens de science, même entre eux, sont différents dans leur degré, dans les rangs qu'ils occupent, de par leur degré dans leur foi, ou le degré qu'ils atteignent dans leur piété, ou dans leur crainte d'Allah, ou de leur niveau de science qu'ils avaient, yani, acquis. Et l'élévation qu'Allah a mentionnée, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, est une élévation qui survient dans cette vie d'ici-bas, mais également dans l'au-delà. Dans l'aspect relatif à l'élévation dans la vie d'ici-bas, c'est que l'homme de science, celui qui a acquis le savoir sincèrement pour Allah et qui le transmet aux gens, les gens se réfèrent à lui pour leur religion, car il est devenu une sommité, il est devenu quelqu'un qui est connu pour sa religiosité, son intégrité et sa fiabilité. Donc les gens lui font confiance et reviennent vers lui pour la compréhension et la connaissance du halal et du haram. Et c'est quelqu'un qui est un muwaqqi'. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui certifie le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants et le mufti sont des gens qui certifient, qui attestent du jugement émanant de la sharia concernant le halal et le haram. Et ils font partie de ceux qui transmettent le jugement aux gens. Donc en vérité, ils sont devenus des intermédiaires nécessaires entre Allah et ses créatures et ses serviteurs afin de parvenir à la connaissance de ce qu'Allah a légiféré subhanahu wa ta'ala. Et parmi les élévations supplémentaire, sachant que l'homme de science donc bénéficie, de par son acquisition du savoir et sa transmission aux gens, bénéficie d'une élévation dans son rang sociétal, dans son rang social, dans son élévation qui est sociétale, parce qu'il est pris comme référence, mais il a besoin d'être intègre et pieux pour être considéré comme étant véridique et qu'on le croit et lorsqu'il s'exprime. Mais également, il y a d'autres élévations dont il bénéficie dans cette vie d'ici-bas, à savoir que l'homme de science bénéficie de recevoir précédence et priorité dans le fait de diriger la prière. En effet, c'est une manifestation de l'élévation qu'Allah accorde à l'homme de science dans cette dunya. En effet, dans une des versions du hadith que le cheikh a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des directives et des lignes directrices concernant la sélection de celui qui doit être l'imam dans la prière pour les gens. Et parmi les critères qu'il avait mentionnés, que le plus savant du livre d'Allah dirige. C'est-à-dire que donc on donne priorité pour la dirigeance et le fait d'être imam dans la prière à celui qui est le plus savant du livre d'Allah. Et également, le cheikh a expliqué que donc ça, c'est une élévation et des manifestations de l'élévation qu'Allah accorde à l'homme de science dans cette vie. Mais cette élévation se manifeste également dans la mort. Effectivement, il a mentionné un hadith selon Jabir ibn Abdillah dans un hadith qui est sahih, que lorsque l'on enterre, l'homme de science bénéficie d'une élévation dans le fait d'être enterré. Dans le sens où, Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à la bataille de Uhud, dans laquelle 70 sahaba parmi les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont morts, il y a eu tellement de morts que deux défunts étaient enterrés dans un seul et même vêtement. Mais lorsqu'on voulait les enterrer, il fallait faire rentrer un avant l'autre. Et pour savoir lequel serait introduit au sein de la tombe avant le deuxième, entre les deux qui sont enveloppés dans un seul et même vêtement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qui des deux était le plus savant du livre d'Allah, c'est-à-dire avait acquis et mémorisé le plus du livre d'Allah, Al-Qur'an Al-Karim. Et selon celui qui avait le plus de Qur'an durant sa vie, alors celui-là était le premier à être introduit au sein de l'endroit dans la tombe dans lequel on met le défunt lors de l'enterrement. Donc le fait que l'homme de science bénéficie d'une élévation dans sa vie terrestre, durant son vivant, de par le fait qu'il est respecté, il est une référence, il donne la fatwa, il donne des assises, mais également il est élevé dans le fait de recevoir une distinction et un traitement particulier et privilégié lorsqu'il est introduit dans la tombe. Mais s'ajoute à cela une élévation qu'Allah accorde à ce pieux serviteur qui a appris la science pour lui le jour de la résurrection. Mais bien entendu, l'élévation des gens de science le jour de la résurrection sera une élévation qui va diverger et différer entre les gens de science en proportion de leur science qu'ils auront acquise, de la piété qu'ils auront concrétisée ou de la sincérité qu'ils avaient lors de l'acquisition du savoir. Cependant, le cheikh a attiré l'attention sur un point extrêmement important concernant la sincérité et la niya vis-à-vis de cette élévation. C'est-à-dire que cette élévation, ou ces manifestations de l'élévation dont jouit l'homme de science, sont des élévations qui découlent de l'acquisition du savoir. Cependant, on ne doit pas étudier le savoir pour obtenir ces élévations, mais plutôt nous devons chercher à acquérir le savoir avec l'intention de plaire à Allah, cherchant à adorer Allah par cela, et l'élévation qui en découle est quelque chose qui découle de l'adoration, mais pas quelque chose que l'on recherche comme un but en soi, il y en a être élevé auprès des gens par exemple, ou être le centre d'attention. Donc on ne cherche pas à être élevé parmi les gens, mais on cherche à adorer Allah par le savoir, et ensuite fera partie de ce qui découle de la résultante de l'accomplissement de cette adoration vouée à Allah sincèrement pour lui, découlera alors une possible élévation sociétale. Non. Et donc, cette élévation rentre dans la généralité du verset, lorsqu'Allah a mentionné que et ceux qui ont reçu le savoir parmi vous, Allah les élèvera en degré. Et une autre manifestation de l'élévation de l'homme de science fut mentionnée dans un hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné alayhi salatu wa sallam qu'il sera dit dans l'au-delà, yani yawm al-qiyamah, dans l'au-delà, il sera dit à l'homme qui avait mémorisé le Coran, lis et récite. Et récite comme de la même manière dont tu récitais dans cette vie. Et élève-toi. C'est-à-dire que plus il va réciter de ce qu'il avait mémorisé, plus il va s'élever dans le degré du paradis. Et ton dernier degré sera par rapport au dernier verset que tu liras. C'est-à-dire que donc plus la personne aura appris du Coran durant sa vie, plus son élévation sera grande dans les degrés Yawm al-Qiyamah au sein du paradis. Et il a mentionné même que les parents de celui qui a appris le Coran bénéficient de cela. Dans le sens où il a rapporté un hadith dans lequel il est dit que les parents qui auront fait en sorte que leur enfant ait appris le Coran et appris donc le livre d'Allah, eux recevront Yawm al-Qiyamah des couronnes qui seront mises de leur tête. C'est-à-dire une couronne sur chacun des parents sera apposée sur leur tête. Et ces couronnes seront similaires au soleil. Et lorsqu'ils interrogeront concernant l'origine de cela, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont accompli pour mériter cela de la part d'Allah, il leur sera dit que c'était par rapport au fait qu'ils s'étaient assurés de l'apprentissage de leur enfant. Parmi les fada'il du ilm, le fait que la science est une salvation, est une protection contre les maux, les troubles et les épreuves. Et nous sommes à une époque dans laquelle les fitan, les calamités et les difficultés et les épreuves se sont propagées et se sont répandues, se sont multipliées et diversifiées. En effet, nous avons les fitan, les shubuhat et les shahawat, c'est-à-dire des ambiguïtés et les mauvaises compréhensions dans la religion de l'islam, et des tentations, c'est-à-dire les pulsions vers l'assouvissement des pulsions charnelles notamment, pour ne citer que celles-ci en guise d'exemple. Mais celui qui donc justement a de la science, alors ceci est une cause de préservation pour lui, et qui permet donc de le préserver et de discerner. C'est-à-dire qu'avec la lumière de la science qu'Allah lui octroie, alors il peut discerner entre les troubles et les tribulations et les épreuves et discerner leurs causes et discerner les prêcheurs qui appellent aux troubles et aux ambiguïtés et aux égarements. Il discerne toutes ces choses-là. Et il mentionne un verset dans le Coran al-Karim, dans lequel Allah a dit, selon le sens approximatif du sens du verset, « Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière, c'est-à-dire une science comme le cher l'a expliqué, à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est-il pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils accomplissent. » Donc la science est-elle une lumière par laquelle le serviteur, bi-idhnillah, devient clairvoyant dans cette vie et discerne les dangers de cette vie comme les troubles, les fitan et les épreuves. Il les discerne et les voit clairement. Cependant, le cheikh a attiré l'attention sur le fait que le statut initial de l'être humain, ce n'est pas qu'il est un homme de science, ce n'est pas qu'il est savant directement et il commence sa vie en étant savant, mais au contraire, la personne commence et c'est un début et une initiation dans cette vie qui est commune à tout le monde, c'est-à-dire que nous sortons tous du ventre de nos mères ignorants. Il a mentionné le verset du Coran al-Karim, dans surat al-Nahl, dans lequel Allah a dit, selon le sens du verset en français, « Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères ignorants de toutes choses, et il vous a accordé l'ouïe, la vue et le cœur, peut-être serez-vous reconnaissants. » Donc, le fait que ceci est commun à tout le monde, c'est-à-dire que les prophètes sont nés ignorants, les messagers sont nés ignorants, les ulema sont nés ignorants. Ceci est une base commune à l'humanité tout entière. Tout le monde vient au monde ignorant de l'islam. Mais après, les gens viennent et apprennent. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset avait mentionné le fait qu'il avait fait don à l'être humain de l'ouïe, de la vue et du cœur. Et ceci, ce sont les voies, les outils par lesquels le serviteur acquiert le savoir. Et par le fait d'acquérir le savoir, le serviteur qui est ignorant quitte le statut et le rang d'ignorant pour devenir du nombre des gens de science, par le fait de s'être motivé et s'être efforcé d'acquérir le savoir. Donc par le fait d'avoir acquis ce savoir, bi-idhnillahi azawajal, tout en étant sincère, il quitte ce statut d'ignorant pour parvenir au statut d'homme de science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith que le cheikh a mentionné, certes la science s'acquiert par l'étude. C'est-à-dire que la science ne s'obtient pas par l'argent, ou par le statut, ou par la noblesse de lignée. C'est-à-dire qu'on ne va pas devenir un savant juste parce qu'on a de l'argent, ou du fait qu'on est quelqu'un qui a un rang social. De preuve, le cheikh a donné même un exemple en disant que des fois, il y a un homme peut être un homme de science, être du nombre des savants, mais son fils est un jahil, son fils est un ignorant. Pourtant, son père est un savant, mais la science de son père ne lui a pas été transmise par la naissance. Le fait d'être simplement un enfant de savant n'a pas fait de lui un homme de science pour autant. Donc il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts et être endurant et patient et persévéré dans l'acquisition du savoir afin de pouvoir sortir du statut d'ignorant et ensuite parvenir au statut d'être du nombre des gens de science, de ceux qui se sont instruits dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment sortir du statut d'ignorant? En empruntant une des voies du savoir. Et le cheikh a attiré l'attention sur une ambiguïté que le diable peut essayer de murmurer et de suggérer à celui qui désire acquérir le savoir islamique. À savoir que peut-être le shaitan peut venir au serviteur en disant « Mais comment tu pourrais espérer devenir un jour un savant? Comment tu pourrais espérer devenir un jour un étudiant en sciences? Tu as un niveau faible en langue arabe. Il y a tellement de sciences à acquérir, il y a tellement de choses à apprendre. Comment tu serais un savant? Et les gens de science sont loin de toi. » Et le cheikh a réfuté cette ambiguïté en disant qu'il faut savoir que le simple fait de se livrer à l'activité et à l'acte de l'étude et l'acquisition du savoir, ceci est en soi une adoration. Et quand bien même une personne viendrait à faire les causes, c'est-à-dire à étudier le savoir, mais ne réussirait pas à l'acquérir, il reste concerné par la récompense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans le hadith, quiconque emprunte un chemin, il a été mentionné, emprunte un chemin, par lequel il cherche à acquérir un savoir, alors Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Donc la récompense n'a pas été liée vis-à-vis de la concrétisation du but qui était désiré. C'est-à-dire que il n'a pas été mentionné celui qui a acquis le savoir, alors Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Mais il a plutôt été dit, quiconque emprunte un chemin, c'est-à-dire quiconque fait les causes, il est alors concerné par la récompense. La récompense a été reliée au fait de faire les causes. Donc quand bien même une personne n'arriverait pas à parvenir à l'acquisition du savoir, mais en fait les causes, il est concerné et il mérite de recevoir la récompense d'Allah s'il a été sincère, du fait d'être bénéficiaire d'emprunter une des voies parmi les voies du paradis. Mais ceci, ça a été... Ceci est pour celui qui est sincère. Et la science et le cheminement dans la quête du savoir est une chose qu'Allah facilite à qui il veut. Et donc ceci sera facilité à quiconque Allah vient en aide. Quiconque Allah facilite, alors il se verra faciliter l'accomplissement de son œuvre. Mais il doit donc être aidé par Allah et être sincère envers lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset, dans le sens approximatif en français, est le suivant. Et nous avons rendu aisé le Coran quant à son rappel. Alors y a-t-il quelqu'un pour ce rappel? Parmi les fada'il du ilm que le shir a mentionné, hafidhahullahu ta'ala, le fait que ceci permet de connaître Allah, d'une connaissance spécifique. Car il y a une connaissance générale que tout musulman a. C'est-à-dire que de façon générale, tout musulman sait que Allah existe, que Allah est le Seigneur de l'univers, qu'il est le Créateur, qu'il est le pourvoyeur de la substance, qu'il est celui qui est le détenteur de la royauté absolue, et qui est celui qui, justement, subhanahu wa ta'ala, est celui qui contrôle l'univers, et a la gérance et le contrôle absolu. Mais ceci était connu même par les koufars de Quraysh, de façon générale. C'est-à-dire que les polythéistes contemporains à l'époque du messager d'Allah croyaient dans ce qu'on appelle al-Rububiyya, la seigneurie souveraine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce qui prouve cela parmi les versets, c'est le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'Allah lorsqu'il lui a dit, dans le verset dans le sens approximatif en français est le suivant, dit qui vous attribue, c'est-à-dire dit au Quraysh, dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre toutes choses, ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Donc on voit ici que les Quraysh, les mécréants polythéistes contemporains de l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes reconnaissaient cette croyance vis-à-vis d'Allah, le fait qu'il existe, qu'il est le pourvoyeur de la substance, qu'il est le créateur et le détenteur de l'autorité sur l'univers tout entier. Non. Mais justement, par l'acquisition du savoir islamique, le serviteur peut parvenir à connaître les détails concernant la connaissance d'Allah dans ses noms et ses attributs, dans le fait de connaître les aspects intrinsèques et détaillés concernant les signes d'Allah dans sa création, les signes d'Allah dans sa révélation. Il parvient à un niveau de connaissance qui est différent des autres, un statut de rapprochement vis-à-vis d'Allah qui est différent des autres, de par la science qu'il a, de l'élévation qu'il a eue dans la science qu'il a eue vis-à-vis d'Allah dans les noms et les attributs. Et donc ceci va en découler l'augmentation de sa crainte vis-à-vis d'Allah. Et c'est pour ça que le pécheur en lui-même et les polythéistes sont ignorants. Ils sont ignorants vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il mentionna le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence, selon le sens en français, et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils n'ont pas donné à Allah son rang. Et le jour de la résurrection, les cieux seront pliés dans sa main droite. Donc, ces serviteurs-là, parmi les serviteurs dévoyés et déviants, parmi les pécheurs et les polythéistes, sont des gens qui sont en vérité des ignorants. Concernant le shirk, le fait qu'il n'est pas logique, il n'est pas rationnel pour quelqu'un d'établir un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car qui, dans la création, est capable de plier les sept cieux dans sa main? Comment pourrait-on donner un égal parmi les créatures à Allah, le Seigneur de l'univers, qui est capable d'une chose semblable à ce qui a été mentionné précédemment? Donc ceci ne s'y est pas. Et ceci montre l'ignorance des polythéistes, l'ignorance qu'ils ont vis-à-vis d'Allah, du fait qu'ils ont osé commettre le crime abject et ignoble de lui donner des associés, subhanahu wa ta'ala. Et concernant le pécheur, nous revenons à la mention et nous réitérons la mention du athar de Qatada, rahimahullah, l'élève de Ibn Abbas qui avait rapporté l'ijma', le consensus et l'unanimité des sahaba, concernant le fait que le pécheur est considéré comme un ignorant, quand même il aurait beaucoup de science. Parce que soit, premièrement, dans un premier aspect, il est ignorant du jugement, donc c'est-à-dire que de par son ignorance, il a une certaine ambiguïté, il a une certaine confusion dans la compréhension du jugement de cet acte qu'il a accompli, qu'il a perpétré, qui est un péché en lui-même, ou alors, dans un second aspect possible de considération, le fait qu'il connaît le jugement, il connaît le caractère illicite de ce qu'il a accompli comme acte, mais cependant, il est ignorant des conséquences que cet acte-là a comme répercussion dans sa vie d'ici-bas, ou dans son au-delà. Et donc le serviteur qui connaît Allah en bénéficie dans sa vie et dans son au-delà. Et même s'il viendra à pécher, celui qui connaît bien Allah, qui a étudié les noms et les attributs d'Allah, qui a une connaissance profonde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera plus à même de se morfondre, de se repentir, d'être pris et pétri de regrets et de remords, et de se repentir et de se réformer, et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh a expliqué que, et dans le cas où l'homme de science, et combien sont nombreux ceux qui, parmi les gens, ont acquis du savoir, puis ont dévié dans le péché, et ne sont pas revenus à la droiture et à l'istiqama après avoir été sur cette voie-là. Et le cheikh a fait une invocation qui est importante de mentionner. Il a dit qu'Allah nous préserve d'une science qui ne nous serait pas utile. Et parmi les fada'il du ilm, le fait que le shir a mentionné, hafidhahullah, que de par l'acquisition du savoir, on parvient et en découle la réforme des sociétés et des nations. Naam, il a mentionné la narration de Anas ibn Malik, rapportée par l'imam al-Bukhari dans son sahih, lorsqu'il mentionna un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant un temps d'épreuves et de difficultés, qui était l'époque du règne de al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était un tortionnaire, qui était un tyran, qui était quelqu'un qui dirigeait la Ummah musulmane, mais qui faisait beaucoup de méfaits au sein de la communauté musulmane. Et lorsque des gens vinrent à Abu Hamza, c'est-à-dire Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le sahabi, le noble compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils vinrent à lui pour se plaindre des exactions et des méfaits accomplis par Al-Hajjaj, il leur dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y aura pas une époque qui viendra sans que celle qui la suit ne soit pire. » Jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Donc, la corruption des époques, le fait que la situation s'aggrave, ceci est relatif à quoi ? Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a expliqué que l'aggravation et le fait que la situation devient de plus en plus difficile, de plus en plus mauvaise, et que plus le temps passe, plus les choses deviennent difficiles, et les époques deviennent de plus en plus mauvaises avec le passage du temps. Il a expliqué que ce n'était pas en rapport avec le gouverneur en lui-même, ce n'était pas en rapport à l'acquisition des biens de ce bas monde comme subsistance, mais plutôt l'aggravation de la situation vient du fait que plus le temps passera, plus les ulama et les gens de science deviendront peu, ils disparaîtront au fur et à mesure, ils disparaîtront petit à petit, jusqu'à ce que leur nombre deviendra, yani s'amenuisera. Et ceci est le sens du athar, le sens du hadith prophétique, c'est-à-dire la disparition des ulama et des fuqaha. Car les gens de science, par leur présence en eux-mêmes, ils sont une voie d'acquisition du savoir. Ils sont une cause de propagation du bien au sein de la société. Ils disséminent le bien, propagent le bien, enseignent le bien, et le bien se répand. Il est en eux et il se propage autour de eux, au sein de la communauté dans laquelle ils résident. Et donc, ils sont une clé pour le bien. Ils sont une cause de clairvoyance qui permet aux serviteurs d'ouvrir les yeux concernant le bien et ses voies, concernant le mal et ses voies. Le bien pour pouvoir le concrétiser dans leur vie, et le mal pour pouvoir s'en écarter et s'en préserver durant leur vie. Et parmi les fada'il du ilm, le cheikh hafidhahullah ta'ala a mentionné que la science en elle-même est l'héritage des prophètes. Il a mentionné le hadith d'Abu Darda, radiallahu anhu, qui est rapporté dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi, qui est rapporté par l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, les prophètes ne laissent pas en héritage ni dinar ni dirham. Le dinar, c'est une monnaie en or et le dirham est une monnaie en argent. Donc les prophètes ne laissent pas en héritage ni dinar ni dirham. Donc ni pièce d'or ni pièce d'argent, mais laisse en héritage derrière eux le savoir, quiconque en acquiert une part a certes acquérir une part grandiose. » Et il mentionna un hadith qui est rapporté par Abu Bakr dans le sahih de l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, en parlant du statut des prophètes, en disant « On n'hérite pas de nous ce que nous laissons comme bien derrière nous et laissé en nos mains. » C'est-à-dire que le cheikh a expliqué ce hadith. C'est-à-dire que quand un prophète meurt, son héritage financier, pécunier, c'est-à-dire ses biens mondains, ne sont pas transmis à ses héritiers, aux membres de sa famille, ses descendants et ceux qui méritent de recevoir l'héritage initialement. Mais ce bien pécunier est dispersé et au bénéfice de la communauté de façon générale. Par contre, le véritable héritage des prophètes et des messagers alayhim salatu wasalam est le savoir de la religion. Donc ce qui a été laissé par les prophètes et les messagers est le savoir de l'islam. Et ceci est leur héritage. Et quiconque en acquiert une quelconque part a alors acquis une part de l'héritage des prophètes. Il rapporta une anecdote qui survint entre Abu Huraira radiallahu anhu et des gens qu'il surprit en train de se livrer à des activités commerciales au sein d'un marché. Et il leur a dit « Malheur à vous, vous êtes là à faire ce que vous faites alors que dans la mosquée il y a l'héritage du prophète qui est partagé. » Et ces gens-là, lorsqu'ils ont entendu le propos d'Abu Huraira, pensaient qu'il faisait référence au bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses biens pécuniers. Ils pensaient que c'était de l'argent. Des biens matériels qui étaient dispersés, qui étaient partagés au sein de la mosquée. Donc ils se sont empressés, ils ont délaissé leur activité, se sont empressés de se rendre au sein de la mosquée pour justement bénéficier et acquérir une part des biens mondains qu'ils espéraient y trouver. Mais lorsqu'ils y arrivèrent, ils virent les gens dans des assises de science, à se livrer à l'adoration ou dans des assises de dhikr. Ils revinrent par la suite auprès d'Abu Huraira en lui disant « Nous n'avons pas vu ce que tu as mentionné. » Et il leur a dit « Qu'avez-vous trouvé lors de votre venue à la mosquée ?» Ils lui répondirent, nous avons vu des assises de science, nous avons vu des assises de Coran, des assises d'enseignement de la religion. Il leur a dit, malheur à vous, ceci est l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les bénéfices qui découlent de l'acquisition du savoir, le fait que tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans la terre, jusqu'au poisson dans l'eau, jusqu'à la fourmi dans sa fourmilière, implore le pardon en faveur de l'homme de science qui enseigne aux gens le bien. Et Cheikh al-Islam Ibn Qayyim rahimahullah avait expliqué que ceci découlait du fait que, car l'homme de science, lorsqu'il s'établit quelque part et qu'il enseigne la religion de l'islam aux gens, il leur enseigne parmi ce qu'il leur enseigne, il leur enseigne le respect des animaux, c'est-à-dire de respecter les droits dans la bienfaisance envers les animaux. Donc en vérité, les animaux finissent par recevoir un traitement qui est convenable de la part des gens qui ont été instruits par ce savant. Donc les animaux bénéficient de façon indirecte de la bienfaisance de ce savant parce qu'il a instruit les hommes qui appliquent les arcanes de l'islam envers les animaux. Donc, de ce fait, ils méritent de recevoir de la part de ces animaux le fait qu'ils implorent en sa faveur. Donc il convient d'étudier ce genre de choses-là. Et Cheikh Hafizahullah Ta'ala avait expliqué que pour celui qui voudrait rentrer un peu plus dans les détails concernant le sujet des mérites du savoir, il renvoie à un livre de Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui s'appelle Miftahu Dar al-Sa'ada, yani la clé de la demeure de la félicité, qui est un livre d'Ibn al-Qayyim abordant de nombreux mérites de la science en détail. Et le Cheikh a affirmé qu'il faut impérativement donc essayer de s'organiser, de libérer de son temps afin de pouvoir acquérir le savoir de l'islam, s'organiser et faire en sorte de pouvoir acquérir le savoir de l'islam. Et il a mentionné un hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, dans lequel il est rapporté que Umar ibn Khattab s'organisait au niveau de la gestion de son temps afin de concilier entre le travail et l'acquisition du savoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il faisait ceci? Ceci se faisait par la modalité suivante. Il s'était mis d'accord avec son voisin qui était un habitant originaire de Médine, c'est-à-dire un Ansari. Et donc, le premier jour, Umar ibn Khattab s'occupait de garder le troupeau et de le faire paître dans les pâturages et il prenait le troupeau de son voisin Ansari, qui lui, donc libéré de son travail, car Umar prenait sa charge de travail à sa place, alors lui allait auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour s'instruire durant la journée. Et le soir, il transmettait à Umar ibn Khattab ce qu'il avait appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que Umar avait raté, car il était au travail, lui était transmis par ce sahabi, ce Ansari, cet habitant de Médine, dans la soirée qui venait. Et le jour suivant, le jour numéro 2, c'était Umar ibn Khattab qui à son tour allait étudier auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que le Ansari s'occupait de son troupeau, ainsi que du troupeau de Umar ibn Khattab. Et le soir, Umar ibn Khattab l'instruisait de ce qu'il avait acquis comme savoir auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on voit que le travail n'empêchait pas Umar ibn Khattab d'apprendre le savoir, alors qu'à l'époque le seul moyen d'assister, de pouvoir avoir le savoir, c'était d'assister aux assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les voies étaient restreintes, elles étaient limitées. Mais malgré ceci, le noble compagnon Umar ibn Khattab radiallahu anhu a fait en sorte de faire des aménagements et de s'organiser en conséquence afin de pouvoir acquérir le savoir. Mais qu'en est-il pour nous de nos jours, alors que les voies vers le savoir ont été facilitées? Les voies vers le savoir sont multiples, diverses et variées. Donc il faut que les hommes et les femmes parmi les musulmans et les musulmanes fassent des efforts dans l'acquisition du savoir. Sachant que le savoir est des deux. Le savoir dans l'acquisition est une obligation. Le savoir dans l'acquisition est de l'ordre du recommandé. L'acquisition du savoir qui est une obligation, c'est le savoir dont on a besoin pour pouvoir concrétiser l'adoration d'Allah qui nous incombe. C'est-à-dire que par exemple, la personne a besoin de connaître la purification pour pouvoir se purifier pour faire la prière. Donc il a besoin obligatoirement de s'instruire concernant la purification, de s'instruire concernant la salat, concernant le jeûne de Ramadan, lorsque le jeûne de Ramadan doit être accompli. Ou la personne qui veut faire, s'il est concerné par la zakat, il doit être instruit pour savoir comment peut s'acquitter de la zakat, du don de l'aumône obligatoire. Il y a également le fait que si la personne veut faire le hajj, il doit s'instruire concernant le hajj avant d'accomplir le hajj en lui-même. Ou si la personne désire se livrer aux transactions commerciales, c'est-à-dire acheter des choses, vendre des choses, se livrer au commerce, il doit s'instruire sur les règles du commerce auparavant et au préalable. Également, si la personne souhaite se marier, il devient obligatoire de façon individuelle de s'instruire dans les règles du mariage afin de pouvoir se marier. De la même, s'il voudrait mettre fin à une vie conjugale par le fait de divorcer, il doit apprendre les règles du divorce au préalable. Donc la science obligatoire, c'est la science dont l'acquisition est nécessaire pour pratiquer la religion. Et la quête du savoir, qui est de l'ordre du recommandé, donc l'autre catégorie, c'est la plus noble des nawafil. C'est-à-dire parmi les actes surérogatoires que le serviteur pourra accomplir, la plus noble et la plus méritoire, c'est l'acquisition du savoir dont l'acquisition est de l'ordre du recommandé. Pourquoi cette adoration-là est plus noble et plus bénéfique et meilleure auprès des ulémas de par leur jugement? par rapport aux autres adorations. Parce que celui qui fait des prières surrogatoires, qui fait des jours de jeûne surrogatoires, ce bien-là se limite à sa personne. Tandis que celui qui augmente en acquisition du savoir peut alors le transmettre. Alors c'est un bien pour lui et c'est un bien pour autrui. C'est un bien qui ne se limite plus à sa propre personne, mais qui se dissémine et se propage autour de son, ou parmi son entourage. Donc il est une cause de guidance pour les autres. Donc son rang est noble. Le rang de l'acquisition du savoir est noble. Ses effets sont multiples et ils sont des effets qui se propagent parmi les gens. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, avait expliqué que ceci doit être avec une bonne intention. C'est-à-dire que la science est une adoration extrêmement noble, qui est d'un haut rang, mais ceci est si on est doté d'une bonne intention. Et la bonne intention, l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal l'a clarifié en expliquant que c'est que l'individu, par l'acquisition du savoir religieux, espère par cela enlever l'ignorance de sa propre personne et l'enlever d'autrui. Et le cheikh Ahmed Badouchon, hafidhahullah, a même développé en disant que le serviteur cherche donc à apprendre pour premièrement adorer Allah, pour pouvoir concrétiser l'adoration d'Allah. Deuxièmement, avec l'intention de transmettre à autrui. Troisièmement, avec l'intention d'être une cause de préservation de la religion, de la sharia. Et également pour réfuter les koufars, de réfuter les mécréants, les hypocrites et les innovateurs. Bi-idhnillahi azawajal. Et il mentionna le fait que certains parmi les plus prédécesseurs avaient dit qu'initialement, ils avaient cherché à acquérir le savoir, mais pas pour, en le faisant pour Allah, et que la science s'est refusée à eux, car elle aurait refusé d'être acquise pour autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh a expliqué que la niyya se purifie avec le temps, c'est-à-dire que la personne doit faire un ijtihad, un effort sur lui-même, faire son introspection, se remettre en question et faire un effort sur sa propre personne afin de rectifier, purifier, de s'assurer de la droiture et de la rectitude de son intention et y faire des efforts. Et avec le temps, son intention se purifie et il concrétise la sincérité dans l'adoration qui est la quête du savoir. Et le fait également de se livrer à l'accomplissement de la noble tâche qui est l'enseignement et la transmission du savoir, en cela, ceci est une épreuve pour l'intention du serviteur. Car vient avec cela la célébrité, le fait de recevoir l'attention des gens, le fait de recevoir la considération des gens, et autre que cela parmi les interactions que l'on va être amené à avoir parmi les gens, par le fait d'être devenu un enseignant en islam. Mais donc on doit être des gens qui luttons contre nos propres personnes afin de ne pas se laisser aller à l'ostentation, mais rester ferme sur la sincérité envers Allah, dans nos intentions. Et parmi les voies qui mènent au savoir, qui nous permettent d'acquérir le savoir, il y a le sujet de notre cours qui est également le besoin qui est ressenti vis-à-vis de l'acquisition de la langue arabe. Et il a expliqué qu'il y a deux types de sciences. La science qui est un but en soi, c'est-à-dire le fait d'avoir la science du tafsir, l'exégèse du Coran, c'est-à-dire la compréhension des sens du Coran, le fiqh, c'est-à-dire la connaissance concernant le comment des adorations, comment adorer Allah, la connaissance et la compréhension du hadith, c'est-à-dire ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la compréhension du tawhid, l'exclusivité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte. Toutes ces sciences, ce sont des sciences qui sont des buts en soi, auxquels on souhaite parvenir en tant que but en soi. Mais il y a des sciences qui sont dites outils, c'est-à-dire des sciences qui servent d'intermédiaires, de moyens de procéder afin de parvenir à la compréhension du Coran et de la Sunna. Et parmi ces sciences qui sont des sciences outils, des sciences qui sont des moyens permettant de parvenir à la compréhension du Coran et de la Sunna, il y a la science de la langue arabe ou la science des règles du tafsir. Et donc, justement, il voulait en venir au sujet de l'apprentissage de la langue arabe. Si une personne est déficiente, elle a des faiblesses, elle a des manquements concernant la maîtrise de la langue arabe qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle est faible en la langue arabe, que doit-elle faire? Elle se doit d'étudier. Et avec l'intention, par son étude de la langue arabe, d'étudier la langue arabe pour pouvoir parvenir à la compréhension du Coran et de la Sunna. Alors, si une personne apprend une des sciences ou les sciences de la langue arabe avec cette intention, c'est-à-dire parvenir à la compréhension du Coran et de la Sunna, alors son apprentissage devient en soi une adoration. Bi-idhnillahi azzawajal. Et il a mentionné une règle qui est très importante, car les moyens ont un jugement similaire au but qu'ils permettent de concrétiser. C'est-à-dire que si, pour parvenir à la compréhension du Coran et de la Sunna, qui est une adoration et qui est une obligation, tu as besoin de parvenir à la connaissance de la langue arabe au préalable, alors donc ceci te devient une obligation et c'est une adoration si tu as une bonne intention dans cet accomplissement. Donc il donna des exemples de la concrétisation de cette règle-là, comme le fait de marcher à la mosquée pour se rendre à la mosquée, ceci est une adoration. Naam, car le fait de prier à la mosquée pour les hommes est une obligation. Et donc le fait que se rendre à la mosquée devient une adoration en soi, parce que c'est un moyen permettant de pouvoir accomplir l'obligation qu'est la prière en groupe à la mosquée. Également le fait d'acheter de l'eau pour faire le wudu, pour faire les ablutions, ceci est une adoration. Parce que le moyen de concrétiser l'adoration qui est le wudu, si ça passe par le fait de devoir acheter de l'eau, alors acheter de l'eau pour pouvoir faire le wudu, alors devient en soi une adoration. Donc le cheikh a expliqué qu'à la base, le jugement initial de l'apprentissage de la langue arabe, c'est jaiz, c'est-à-dire que c'est permis, c'est-à-dire qu'on n'en est pas récompensé, on n'en est pas châtié. Mais si on est doté d'une bonne intention, c'est-à-dire cherchant à adorer Allah par cela, ou à concrétiser l'adoration d'Allah par l'apprentissage de la langue arabe, alors cet apprentissage devient une adoration. Et il mentionna le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, les œuvres ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué en fonction de l'intention qu'il avait. » Donc la personne qui apprend l'arabe a peut-être plusieurs intentions, c'est-à-dire qu'une personne peut apprendre l'arabe pour comprendre le Coran et la Sunna, alors sur lui s'applique le jugement de l'adoration. Par contre, une personne qui apprend l'arabe, mais avec la niya de réfuter l'islam, comme les orientalistes, alors dans ce cas-là, lui, il n'est pas récompensé pour son acquisition de la science de la langue arabe. Ou pour une autre intention, par exemple, une personne qui accomplit l'étude de la langue arabe dans le simple but qu'il aimerait discuter et discourir avec les arabes dans leur langue. Lui, il n'est pas spécifiquement récompensé par rapport à ça, parce qu'il n'avait pas la niya de la concrétisation de l'adoration vis-à-vis d'Allah. Donc celui qui apprend la langue arabe avec l'intention d'apprendre sa religion, alors il est dans une adoration dans son apprentissage. Et il mentionna trois sciences parmi les sciences mères et principales dans la langue arabe, qui sont la science de Nahu, al-Sarf ou al-Balara, c'est-à-dire la science de la grammaire, de la morphologie, c'est-à-dire l'étude des structures et des racines des mots, et de la Balara, la rhétorique, c'est-à-dire l'éloquence dans les propos, dans les manières de transmettre des concepts et des idées. Donc la langue arabe est la langue du Coran et de la Sunna. Non. Et il a expliqué qu'en effet, de nos jours, il existe de nombreuses traductions d'ouvrages de sciences islamiques qui ont été faits dans différentes langues, dont la langue française. Mais ceci ne suffit pas pour celui qui veut se livrer à l'étude du savoir, devenir un talib al-ilm, quelqu'un qui étudie le savoir, qui désire se délecter et assouvir son désir concernant la compréhension et l'assimilation des paroles des ulémas. Il a besoin alors de passer par l'apprentissage de la langue arabe. Donc nous arrêtons pour Yanni avec ceci. Ceci était une modeste traduction approximative et résumée des propos du noble cheikh, hafidhahullah ta'ala. Et en cas d'erreur, Yanni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fasse miséricorde et qu'Allah récompense le cheikh, hafidhahullah ta'ala, jazahullah anil muslimina khairan ala juhudihi ta'iba fi ta'lim. Non. Donc avec ceci, nous concluons donc notre assise. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Hada wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته